Scrio de la rue, ma gueule. Big Bang, Curse Mode, Routine d'Espo. On t'avait prévenu, ça va frapper fort, gros. Le rap, tu casses. Une fille de nazi peut kiffer un sale noir comme moi. Seulement, s'il fait raf à la France dans un camo salement. Mon rap est plus réactionnaire que révolutionnaire. J'avoue, je réponds sûrement seulement qu'aux harcèlements. J'insulte salement tous ceux qui quand ils parlent, ils croient qu'ils s'adressent à une noix de coco comme Tom Hanks dans Seul Monde. Luther King, c'est Aspi. J'ai pu graver une Kalachnikov à Bill Cosby. Un petit négro à Johnny, j'suis Caspi. Comme cette Kaira homophobe qui kiffe la guerre et ne fait sucer aux hommes que son gun. Mes contradictoires, il met des jeans slim, serré, designé par de jeunes sommets. Oh, 9-3-91, pour que le DAS disparaisse, il suffit que les Rockefeller claquent des phalanges. J'suis comme Bac avec Smoke, une bête de rage, pédérage, rap dégueulasse. Notre avenir est embourbé, les petits refusent d'écouter. Les physios irrespectueux, petits buldés se font bouler. Pourtant on a tous vu nos anciens poules débrasser, tomber, se faire respecter, contester, puis buter. Gaspi, bleu hachiche, contrôle l'inspi. Cherche un coupeur S-sexy et des plans sexe rapide. Tu cherches une vierge même. Sache que les michetonneuses ont largement les moyens d'aller se faire recoudre l'hymen. Le petit c'est la pub d'Orangina. Faut les secouer pour pas qu'ils restent en bas. J'ai envie d'allumer ce you-voix. J'fume un bédo, j'fais les 100 pas. J'suis dans la débrouille 8-5. Lui je refuse d'aller taffer. J'te mets 3 grammes sous parisien. À la terrasse d'un café. J'ai tout le temps l'air rabat. Comme le Jean-Luc Porlo. Mais j'prends le respect pour le daron. Pas comme les actrices porno. J'comprends les braqueurs africains. Ils récupèrent le zèle que l'Europe a pris à leur père. J'ai brisé une pute avec un faux billet. Je l'ai niqué dans tous les sens du terme. Mais toi en vrai, t'es juste passé fumer un terre. Mais toi en le fret, t'as assez vu ma tête. La triste me connaît, j'suis le sale à l'idée. Tu saignes, tu n'es de la qualité. J'tire dans ta jojo si j'veux pas lutter. Comme si on est sur un pied d'égalité. C'est un monde d'animaux, ce sera mon dernier mot. Les guerriers se refont, se querellent, se fuck, tout ça pour de l'animaux. L'homme aussi mérite le respect, il porte la vie dans ses boules. Tu peux juter, gonfler, chuter, morfler, mais fais qu'il tient debout. La revendication, un labyrinthe, j'ai le plan. Les révolutionnaires noirs meurent avant d'avoir les cheveux blancs. J'ai ploté des bombes comme un démineur. Fuck ceux qui bougent en Afrique pour Sodome des mineurs. Laisse pas ta femme te ramener la bouffe comme les lions. J'ai des amis de toutes les couleurs, j'suis un caméléon. Tu peux grimper mais sois pas un dormeur. Le showbiz c'est le pif mais j'm'accroche au bâtiment comme Spider-Man. Doucement avec la coke ça te rend folle. Plus y'a de putes, moins y'a de viols. Sur les couleurs de Coca-Cola les stats ressortent. Noir pour le pétrole, rouge pour le sang. Dans le pot d'échappement du R8 au G. Mon négro j'dors pas mais j'casse tout normal. Toi tu sais cousin, je ressemble à personne, ils ont senti la patate cousin. Un flash de JP pour les vrais bonhommes qu'on a achetés au CJD. J'porte mes idées, ces couilles c'est les miennes, je les ai pas achetées. J'touche le hardcore, il devient tout j'dit pété. Tu sniffes ces billes, tu baises avec un autre négro nardine bébé. C'est Benbeck, la banlieue va nous tuer. Si tu te fais douiller soir ce, c'est peut-être que tu l'as mérité. Tu vas te chier dessus, tu vas te pisser dessus. Tu vas récupérer ton humilité dans l'humidité. Dis-moi quelle odeur à la coke. Quel bruit les darons feront si on classe tous une overdose. L'Afrique n'oublie pas le racket. Tu vas inhaler le mafé, le couscous. Tu vas fermer ta queue. Desperati, soldats sans gras du futur. Au clair de ma maison, oui, je t'en donne un peu. Un peu de mon intimité. Faut que tu respectes les lieux. Il y a longtemps que je t'aime. Jamais je ne reviendrai. Tu as fait ce que je suis. Jamais je ne t'oublierai. À Saint-Denis, le propriétaire portugais habitait à l'étage en dessous. S'embrouillait avec le daron après 4 bouteilles. Quand il coupait pas le chauffage, il le mettait à fond et osait crier. Fermez la fenêtre pour le chauffage, fuck foudel. Monsieur Martin a pété un câble pour les retards de loyer. Le daron m'a ordonné de le filtrer. Il est monté un fusil de chasse à la main, faisant des menaces en hurlant et en cognant sur notre porte vitrée. J'ai senti que ça pouvait vriller. J'ai pas pu finir mon McDo. Alors un bon ouvrier, papa a saisi son marteau. J'ai arrêté de mettre des capotes avec cette meuf. Pourtant son chat s'appelait Chaussette, Chaussette. J'ai posé un couplet léger, Jody ont brillé, le félin a fait waouh. J'ai dit je sais, je sais. Elle faisait la nourrice pour que sa fille ait des sapes. Tranquille, elle hébergeait des 30 kills. Je l'ai pas jugé, on a le droit d'avoir les mains sales. Elle s'embrassait sous le gui, la conscience tranquille. Les gens sont des faux, sont juste de bons comédiens. Je respectais ta pif, Vegeta, vous avez sucé sans Goku. L'homme qui m'a élevé n'aimait pas que je tienne le regard quand il était vénère. Est-ce pour ça qu'il me mettait des baffes en m'en tordre le cou? Je me revois dans ma broche, fixant mon plage en number one. Sur la tête de mes mots, j'avoue mes pastas. L'alcool est blonde, donne des ailes aux négromites. Apprends leur meuf quand elles leur avoueront qu'ils puent et que c'est moi la ghetto superstar. Je suis objectif, je bronche pas devant les généralisations quand je les nourris. Quand un blanc ou un juif me dit qu'il aime pas les noirs, je trouve plus ça si horrible. J'kiffais les chevalets du Zodiac, belle maman contrôlait les finances. SOS du monde en détresse comme pas la voile. En primaire, Dieu m'a accueilli, mettant de côté mon teint, je lui ai volé des jouets. Pardon, ça me tuait pas en avoir. Toi MC préféré, pompe mes phases. J'serais pas le meilleur, ça serait. Quand on fait la hagra sa meuf et qu'on prend les cotons-tiges sans les regarder, on a de la merde dans les oreilles. J'aurais les bêtes, les anciens, je les suce pas. Hey, qui s'occupe de leur prostate pendant que Roots pousse ses coups sur la table. Le public retape des super 5 go. Je suis un A4 ou quoi 3 avec une charge de C4 sous le capot. Je rappe comme son père, ta tête d'affiche c'est pas mon père. Je pense comme personne, plus à de PD, puis je baisse. Le vent noir, un facteur quadada avec une pompe dans ses colis. Un éboueur bambara avec une papou dans son bolide. Et M. Mouscoud pose comme les pionniers, pompe leur phase. Ils confondent entre être leur femme et être leur fan. Sois noir et ferme ta gueule et on donnera ta chance. La France veut mettre une disquette, mais je la ressors par les chiottes dans son crâne. C'est 9-3 lourdeur et puissance 13. Est-ce les boycotts, c'est piste de suisse sans stress. Colama, est-ce qu'une piste ombrée? T'es ma comment le rap français s'accroche à ma poche comme T-Pack dans Prison Break. Tu télécharges, pour ça qu'on vend plus. Hey, tous ceux qui me boycottent sur les chats sont des enfants de pute. Pas bien sur les forums, s'il te plaît. T'as vu ma calvitie, hein? Je pourrais être ton père. De la haute, tout part, me type sa tête. Biggie attend que je canne pour qu'il puisse me demander comment ça se fait que je kiffe comme as, putain. Je ferai pas de gosse pour les allocs, pas de merde pour les radios. Futur du rap français, regarde faire nous, salaud. On est prototype 45, prototype Harlins 9-3 City, grosse équipe, tu bouges pas.